Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches sur Radioactive, le 100 FM à Toulon et sur le radio-active.net pour le reste de l'univers, c'est votre rendez-vous rock, musiques expérimentales diverses et variées, Lost in Space, qui commence immédiatement, tout de suite après notre générique un peu rock'n'roll, par une séquence très calme. On a Cat Power qui va nous chanter King Rides By. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la totalité des titres que l'on passe sur le site de l'émission. On est ensemble pour un bon bout de temps. Quand on se quittera, ce sera déjà lundi. Et allez, c'est parti. Oh, what a fuss when the king trades. Yeah. see right through. You see you're talking to. Real eyes, pools of blue, making what you say the room. You make a dream of broken tunes. Your scene. I know it's not a dream. Don't know what you're telling me. We'll be right back. long ago in a dusty village full of hunger, pain, and strife. A man came forth with a vision of truth and the way to a better life. He was convinced he had the answer, and he compelled people to follow along. But the hunger never vanished, and the man was banished, and the village dried up and died. At a time when wise men peered through glass tubes towards the sky, the heavens changed in predictable ways, and one man was able to find that he had thought he found the answer, and he was quick to write his revelation. But as they were scrutinized in his colleagues' eyes, he soon became a mockery. Don't tell me about the answer, 'cause then another one will come along soon. I don't believe you have the answer, I've got ideas too. But if you got enough naivety and you got conviction, then the answer is perfect for you. Choking on his discharge, overwhelmed by industry, searching for a modern day savior from another place, inclined for charity. Everyone begging for an answer without regard to validity. The searching never ends, it goes on and on and on for eternity. our ceiling, we've got holes in our roof. Hope that we've got it made is gone in a pool. When's it gonna be turning the tide? When we gonna see that we've got God on our side? Well, and Dublin's now to the end. God and her minions is our bosom friend. Well, we've got empty tummies, but it won't always be. No, one day it's gonna be quail and dumplings for me. Not too big our slippers and too small our bed. Too bent our bosom, yeah, and too broke our head. We must hit the bottom in order to rise. Find peace in a hovel, to find home in the skies. Quail and dumplings now to the end. God and the minions as our bosom friends. We got empty tummies, but it won't always be. No, one day it's gonna be quail and dumplings for we. What are we eating and why ain't it grand? Ain't I a woman, ain't you a man? Why wait for someday, why make a plan? Well, fuck the birds in the bushes, let's take them in from above. I will hold your hands and will say it's enough to have satisfied minds and clean hearts and clean tongues. Ah, well and dumplings now to the end. God and the minions as our bosom friends. Well, we've got empty tummies, but it won't always be. No, one day it's gonna be quail and dumplings for me. Well, and dumplings now to the end. God and her minions as our bosom friends. We've got empty tummies, but it won't always be. No, one day it's gonna be quail and dumplings for me. Oh, one day it's gonna be quail and dumplings. will come inside. Distant love, my sanctuary. Foolish hope, no guarantee. Left alone in misery, waiting for a chance to see. By the world I left behind, desperate for life. And I burn. get your fear down. You want your body and then you want to buy another hole in the ground. You want your body and then you want to find another book for your mind. If you are so perform a take another. Vous êtes toujours sur Radioactive, sans FM, on vient d'écouter Billy Talent et le morceau Surrender, et c'est maintenant l'heure du live sur votre radio préférée. Qui s'y colle aujourd'hui? C'est tout simplement Dinosaur Junior, enregistré à Stockholm, dans une boîte qui s'appelle le Tyrol. J'ai eu un doute, hein, parce que le Tyrol, normalement, c'est en Autriche, mais c'est juste le nom du club, et ça a été enregistré le 4 novembre 2011. Drummer Murph had to go home from the tour, so Kyle came out to replace Murph when he went home. really is a good sound. There's always nothing much to say. Pretty good not doing that fine. Getting up most of the day. Stepping out of time to fix it. Going from out of that hole. Give me ingredients I'll mix. I can't move without a goal. There never really is a good sound. There's always nothing much to say. Pretty good not doing that fine. Getting up most every day. All you in for. Dream is all you say. Soon you know just what it is. Well, you say if I'll be here. Never really is good. Now there's nothing much to say. Pretty good not doing that fine. Getting up most every day. It's time to let me know now. When it's with you I'll be back. Thank you. much the same. Pretty good not doing that, find yourself hosting. Every season, get a bit true. without a reason to fight. Have fun. Now have to love more than nothing at all. No, I don't need it, but I'm here at the door. Now let me in, I've been a villain before. Cut my fingers, don't a fish you know it. Sad to think I'd do it over again. Another leave behind what can't be held. Your love hold the key that keeps them to yourself. Go on to leave behind. Go on to leave. Imagination blind but chained, yeah. Without resistance I'd have no friends. Got your love, I don't know it ever again. But I can reach your tip forever apart. Your icy grip on me and that's a fire. We'll be right back.

but I wouldn't want to do my love. Vous êtes toujours sur Radioactive, le live c'est fini avec Dinosaur Junior à l'instant enregistré en 2011. On continue les affaires comme d'habitude avec un reportage sur la pêche à Boulogne-sur-Mer dans le Nord, presque à l'exact opposé de notre belle région. Le tout entrecoupé de morceaux divers et variés que, comme d'habitude, vous pourrez retrouver la liste sur le site. Allez, go! Come back to me out of my beauty queen. Lâché par les élus, contrôlé par l'Europe et concurrencé par les industriels, la pêche artisanale se noie à Boulogne. Elle tente de survivre et de se mobiliser, mais le rapport de force n'est pas en sa faveur. De cette débâcle, le Front National essaye de faire son beurre. La pêche est l'un des secteurs les plus touchés par le désastre écologique en cours. La faute à la pêche industrielle qui vide les océans. Les scientifiques, notamment ceux du bien nommé Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER, tire régulièrement la sonnette d'alarme concernant l'état des stocks, tandis que sur les quais boulonnais, la quantité de poissons débarqués est de plus en plus faible. Dans ce monde d'après-abondance, l'heure est au rationnement et au quota. La foire d'empoigne peut commencer. Ce sont les étrangers qui pillent notre poisson, répète Émilie, excédée. Même discours chez les chalutiers qui accusent des navires étrangers, entre guillemets, et notamment les seineurs hollandais, leaders de la pêche industrielle. À propos de la Seine danoise, Thierry explique. On voulait avoir une étude d'impact sur ses conséquences sur les zones. Ce sont des irresponsables qui ont lancé ce métier. Il me faudrait 6 ans pour faire leur pêche annuelle, appuie-t-il encore. En effet, cette technique vide les fonds marins, les rendements sont énormes et sur la criée, le poisson des seineurs défie toute concurrence. En janvier dernier, devant ce pillage, fileyeurs et chalutiers boulonnais ont bloqué l'accès au quai à ces gros bateaux qui sont une vingtaine à débarquer leur pêche au quai Loubet. Socks lined up the same way. Derrière les accents chauvins, c'est la pêche industrielle et ses passe-droits qui sont en cause. Les grosses sociétés hollandaises rachètent des permis d'exploitation pour pouvoir travailler dans d'autres zones. Ainsi, la Seine danoise a glissé progressivement du secteur sud de la mer du Nord à la Manche, zone exploitée par les Boulonnais. Qui plus est, ces sociétés concentrent leurs efforts de pêche sur les espèces non soumises à quotas, comme le rouget barbet ou l'encornet. Ils ont trouvé la poule aux œufs d'or, lâche Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches. Sur les étals de poissonniers, plus moyen de trouver du rouget barbet. Marieurs sont les négociants qui achètent et revendent le poisson à la criée ultra-moderne de Boulogne. Parmi les sociétés de mariage qui tirent les ficelles, celle d'Unipêche, dirigée par Jacques Boitez, baron local et propriétaire du club de foot. Lors du blocage du port en janvier, il a réuni à la capitainerie la préfecture et la région pour, entre guillemets, trouver des solutions. Dans la presse, il agite le spectre du licenciement en se justifiant. On nous pique les marchés. Sur les quais, les pêcheurs l'ont dans le viseur et l'un d'eux s'énerve. C'est lui qui a fait venir les gros bateaux. Il nous démolit et il est cul et chemise avec la région.